fous de la musique. Vous êtes à l'antenne de CFNJ 99.1. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Méloman, édition du 23 septembre 2015. Écoutez, encore un gros merci de tous vos beaux commentaires sur le spécial Jamaïque de la semaine dernière. Je suis vraiment content que vous ayez apprécié et surtout que vous ayez suivi dans une direction complètement différente de l'habitude. Il va y en avoir d'autres, des spéciaux du genre, sur des styles aussi variés les uns que les autres. Ça se peut qu'il y en ait que vous aimez moins que les autres, évidemment, mais cette semaine, on y va dans le varié, tout simplement parce que ça aussi, on aime ça. Que du bonbon encore ce soir. Encore une fois, suivez-moi jusqu'à minuit, ça vaut la peine et ça coupe votre semaine en deux, comme ça, un mercredi, pourquoi pas. Et advenant le cas peu probable où vous n'aimeriez pas une chanson, dites-vous que la prochaine, vous allez l'adorer parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts en Méloman. Faites-moi confiance. Une foison de perles et de petits bijoux jusqu'à 23h59. Et on parle de jukebox sans plus tarder avec une chanson que vous connaissez tous qui a été reprise plusieurs fois par Grand Funk Railroad et Kylie Minogue dans les années 80, entre autres. Mais on y va avec la version originale comme de raison, popularisée par Little Eva et composée par Carole King en 62 de Locomotion sur les ondes du 99.1 CFNJ. Retour à Mélomanes, à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9 avec vous dans tout Lanaudière. Et on vient d'entendre deux pièces très représentatives du travail de Phil Spector. Les deux pièces étaient The Crystals avec Dadu Ron Ron et The Ronettes Be My Baby, toutes deux de 1963. Phil Spector, un des premiers architectes du Girl Group Sound, soit toute la vague des groupes féminins des années 60 dont on vient d'entendre un bon échantillon. Mais Phil Spector, c'était beaucoup plus que ça. C'est un gars qui va définir le rôle qu'un réalisateur d'album peut prendre au 20e siècle, ni plus ni moins. Il va arranger, composer, être à l'origine de nombreuses innovations, dont sa fameuse technique du mur du son. Et il va être le roi du mono. Mais l'histoire finit bien mal, et c'est pour ça qu'on va arrêter les éloges ici. Phil Spector a été un être hautement instable et violent tout au long de sa vie, et il a fini par tuer l'actrice Lana Clarkson en 2003, imaginez. Il est encore incarcéré aujourd'hui, d'ailleurs, et il ne sera pas éligible à une liberté conditionnelle avant l'âge de 88 ans. Mais que voulez-vous, historiquement, on n'a pas le choix de le citer, puisqu'il est à l'origine d'une foule de succès que vous connaissez. Sinon, sur une note un peu plus gaie, on continue dans ce genre qui est tout de même excellent, les groupes féminins des 60s. On y va avec une de mes préférées, produite cette fois-ci non pas par Phil Spector, mais par l'équipe de compositeurs encore plus prolifiques qui étaient Jerry Lieber et Mike Stoller. Et là, eux sont vraiment à l'origine d'une foule de chansons connues, mais vraiment connues. Premièrement, ils écrivaient pour Elvis Presley, donc ça vous en dit long. Mais c'est aussi eux qui ont écrit Stand By Me de Benny King, par exemple. On va y revenir à eux tantôt avec une autre de leurs compositions. Pour l'instant, The Exciters en 1962 avec Tell Him au 99.1 CFNJ. Take his hand in the open time. sera pour la vie. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. I

just send my baby back home to me. Take good care of my baby. Well, take good care of my baby. Just take good care. À l'approche de l'été, on fleurira le muguet, tu te souviendras de moi. Lorsque le soleil de mai réchauffera tes regrets, tu te souviendras de moi. Jamais la belle saison ne te donnera raison de te séparer de moi. Même les oiseaux qui chantent te diront tu es méchante. Tu te souviendras de moi. Oh, oh, oh, oh, que la vie est triste. Oh, oh, oh, oh, quand tu n'es pas là. À l'approche de l'automne, si tu as froid, tu frissonnes, tu te souviendras de moi. Si la nature se déchaîne, tu as de la peine, tu te souviendras de moi. Va rêver sous le vieux chêne où j'écris Madeleine, je n'aime que toi. Et en revoyant cet arbre, si ton cœur n'est pas de marbre, tu te souviendras de moi. La nouvelle sève soudain renaisse les bois. Mon cœur tracé au couteau sur notre arbre est bien plus gros, oui, que la dernière fois. Si ton cœur fond comme glace, tu auras toujours ta place. Je l'avais gardé pour toi. Je t'en prie, reviens vite. J'ai trop mal quand tu me quittes. Je ne peux vivre sans toi. Oh, oh, oh, oh, la vie est triste. Oh, oh, oh, oh, quand tu n'es pas là. Oh, oh, oh, oh, la vie sera douce. Oh, oh, oh, oh, quand tu reviendras. Retour à Mélomanes au 99.1 CFNJ. Le chanteur et acteur québécois Marc Gélina avec la chanson « Tu te souviendras de moi ». C'est ce qu'on vient d'entendre. Nous sommes en 1965. Quelqu'un dont on parle plus beaucoup malheureusement, Marc Gélina, qui est décédé maintenant, qui a joué dans les films, le film des Ploufs de Gilles Carle, entre autres, Lance et Compte et l'excellent film Requiem pour un beau sans cœur de Robert Morin en 1992. Et juste avant, Bobby V avec Take Good Care of My Baby en 1961. Bobby V, qui lui aussi fut acteur à César, plus un idole de jeunesse. Et un fait surprenant, c'est aussi un ami de longue date de Bob Dylan. Et tout ça était précédé de l'énorme succès Run Around Sue de la même année, seul numéro un pour Dion ou Dion, si vous voulez, après qu'il ait quitté le groupe des Belmonts, qui était Dion and the Belmonts. Une chanson qui parle d'une fille un peu plus volage et plusieurs ont spéculé à savoir qui serait la fameuse Sue de la chanson parce que Dion est marié avec son amour d'école depuis plus de 50 ans et c'est une dame qui s'appelle Suzanne. Donc plusieurs pensaient que c'était elle, mais le chanteur nous dit que la Run Around Sue originale en question serait plutôt appelée Roberta. Donc c'est pas elle. Et on se transporte maintenant en 1964 avec une chanson que j'adore des Nashville Teens, un des nombreux groupes de l'invasion britannique. Et ce sera suivi de la musique des Habits Jaunes un an plus tard, un groupe de la région de Valleyfield. pour ensuite plonger pour quelques chansons dans le monde du rockabilly. Mais tout d'abord, Tobacco Road au CFNJ 99.1. Tobacco Road. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Well, be-bop-a-loola, she's my baby. Be-bop-a-loola, I don't mean my baby. Be-bop-a-loola, she's my baby. Toujours à Méloman au 99.1 CFNJ, Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Bienvenue à ceux qui viennent de joindre à nous. En plein cœur d'un petit bloc rockabilly avec Johnny Burnett et Rockabilly Boogie en 1957, ainsi que Gene Vincent and his Blue Caps un an auparavant avec la très connue Bebop Lula. Le rockabilly, on en avait parlé brièvement il n'y a pas longtemps, un style qui va donner naissance au rock and roll tel qu'on le connaît. Habituellement, c'est plus axé sur la guitare, contrairement au boogie-woogie, dont l'instrument de prédilection va être le piano. Le rockabilly se démarque aussi beaucoup par son côté très exubérant, beaucoup plus que le rock and roll qui va être un peu plus commercial par la suite. Un autre genre qui va influencer le punk, d'ailleurs, et on parle souvent de punk, mais ça donne comme ça, le punk a continué de faire vivre le rockabilly jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a de nos jours un mouvement bien vivant de jeunes et moins jeunes qui s'identifient comme des rockabilly. Ils vont s'habiller à la façon des années 50, se promener dans une voiture montée hot rod et se faire le fameux coq dans les cheveux. Et c'est pas si rare que ça. Aujourd'hui, il y a de tout pour plaire à tout le monde, comme à Mélomane d'ailleurs. On reste dans le rockabilly avec Buddy Holly et ensuite on va entendre une pièce de 1959 de Johnny and the Hurricanes basée sur un vieil air folk de cowboy qui peut dater d'aussi loin que 1896, imaginez. Il s'agit de Red River Rock, mais tout d'abord un dernier détour au rockabilly avec Rock Around Olivie de 1958 à CFNG. The man of blues. Well, I got a little gal I call Olivie, Olivie, come from Memphis, Memphis, Tennessee, and the night we gonna rock and rock around with Olivie, Olivie, Olivie. Says she gonna do me right tonight. I'm gonna wear my mother blues suede shoes tonight. And the night we gonna rock and rock around with Olivie, Olivie. Well, we're gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Well, 'cause everything gonna be high. 'Cause tonight we're gonna rock to the rhythm and the blues. I'm gonna shout, laugh, holler, and giggle tonight. I'm gonna shake it just a little in the middle of the night. 'Cause tonight we're gonna rock around with Olivie, holla, holla, dee. Well, Mr. Cowboy tonight, he's trying to put a stop to me tonight. 'Cause tonight we're gonna rock around with Olivie, holla, holla, holla. Well, we're gonna rock to the rhythm and the blues tonight. And I guess everything's gonna be high. 'Cause tonight we're gonna rock to the rhythm and the blues. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 56. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed a cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed a cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. Love potion number 9. Avec vous, partout dans la Nantière. Depuis 30 ans. CFNJ 99.1 88.9 météo. Pour les prochaines heures, dans le centre et le sud de la Naudière, on a quelques nuages et un minimum de 10 degrés. Jeudi, ensoleillé, maximum de 19. Ensoleillé vendredi, maximum de 16. Et ensoleillé pour samedi et dimanche, maximum de 20 degrés samedi, de 23 pour dimanche. Et les secteurs du nord, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon, dégagés pour les prochaines heures avec un minimum de 6. Jeudi, ensoleillé, maximum 18. Vendredi, aussi ensoleillé, maximum de 16. Et ensoleillé samedi et dimanche, 19 à 22 degrés comme maximum. CFNJ 99.1 88.9. Love Potion number 9 sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes toujours à Méloman. 1959, le groupe The Clovers. Et j'avais dit qu'on reparlerait d'eux tantôt. Il s'agit encore d'une pièce composée par le fameux duo Jerry Lieber et Mike Stoller, qui ont écrit une flopée de succès des années qui nous intéresse ici à Méloman. Un duo hyper prolifique à la Burt Bacharach et Al David, dont on va reparler assurément dans une prochaine émission, ou même Jerry Goffin et Carol King, que vous connaissez sûrement. Ils vont tous contribuer à l'âge d'or du son du Brill Building, qui est un édifice en fait de Manhattan où on pouvait acheter des chansons. Et il y a vraiment beaucoup de chansons très connues qui viennent de cette période-là. En fait, on en a même entendu tantôt, juste à penser à Frankie Valli, par exemple. Et si on a assez de temps, on devrait même entendre une autre chanson par le même duo de Lieber et Stoller beaucoup plus tard à l'émission. Sinon, juste avant, on a entendu Sea of Love de Phil Phillips, toujours en 1959, une chanson qui a été reprise par plusieurs artistes au fil des années, dont le groupe jamaïcain de Heptones qu'on a entendu la semaine dernière, et les Guess Who, dont on a aussi parlé la semaine passée. Iggy Pop, Cat Power et Robert Plant de Led Zeppelin ont aussi chanté Sea of Love. Et malgré tout le succès de la chanson, Phil Phillips dit avoir touché seulement 6 800 $ pour l'avoir enregistré. Imaginez, j'espère qu'il a reçu un peu plus depuis. À suivre, un peu plus bluesé, un des trois kings du blues d'ailleurs, Freddie King. Les deux autres sont Albert King et B.B. King, que vous connaissez sûrement, avec Hideaway en 1961. Une chanson qui va étonnamment contribuer à la naissance de toute la vague de musique surf instrumentale en Californie. Mais juste avant, un gars qui s'est bâti une carrière en gueulant sa vie, Screaming Jay Hawkins en 1956. I Put a Spell on You à CFNJ 99.1. I Put a Spell on You. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. On you. Well, you make me shake it, and I like it. Sur les ondes de CFNJ 99.1. Vous êtes en compagnie de Mathieu Lajoie, mélomane. On explore plus en profondeur les années fin 50 et début 60 ce soir à l'émission, une période qu'on avait survolée très brièvement jusqu'à maintenant et pas du tout la semaine passée, donc on s'est repris un petit peu pour le début de l'émission. Harlem Nocturne, un vieux standard de jazz de 1939, dans sa version ici de 1959 par le groupe The Viscounts. Et c'était précédé de Johnny Kidd and the Pirates, un groupe qui prenait à cœur son nom et se déguisait en pirate pour ses spectacles. Et son plus gros succès, Shaking All Over, une chanson qui sonne quand même assez menaçante pour 1960. Un groupe qui aurait, dit-on, grandement influencé The Who et Led Zeppelin. Et c'est pas difficile à croire quand on y pense. Et maintenant, 62 et 63, respectivement, pour ensuite changer de répertoire complètement. Chris Montez et Leslie Gore, 99.1, CFNJ. We'll be right back. walked through the door like a queen with her king. Oh, what a birthday surprise! Judy's wearing his ring. It's my party and I'll cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Oh, it's my party and I'll cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ. Right. The Moody Blues au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous êtes à Méloman jusqu'à minuit. Tiré de l'album In Search of the Lost Chord, Ride My Seesaw en 1968, The Moody Blues, un groupe anglais surtout connu à l'international pour le méga succès de 67 Nights in White Satin, qui est à l'origine de plusieurs, le groupe qui est à l'origine de plusieurs innovations, dont l'idée d'incorporer la musique classique au rock pour la première fois, et aussi l'introduction d'un instrument à clavier, le mellotron, qui va être repris peu de temps après par les Beatles sur Strawberry Fields Forever et par une série de groupes de musique progressive des années 70 par la suite, dont Harmonium. D'ailleurs, les Moody Blues sont aussi un des premiers groupes à faire de la musique progressive vers la fin 60 et on va avoir un petit bloc clin d'œil au rock progressif plus tard à l'émission. Sinon, c'était précédé du groupe néerlandais Shocking Blue en 1969 avec Venus, une chanson que plusieurs d'entre vous ont dû reconnaître de par sa populaire reprise de 1986 par Bananarama. Shocking Blue va être aussi à l'origine de la chanson Love Buzz, on le sait moins, le premier single de Nirvana en 1988. Donc on reste dans les années 60 pour les deux prochaines, mais on va pas mal rester dans les années 70 pour la suite, du moins à quelques exceptions près. Une chanson très rare des Ventures de 63 dont j'ai finalement trouvé le titre après des années de recherche à temps perdu. Le titre, c'est Cruncher, mais avant, juste avant 1966, The Lovin' Spoonful, CFNJ 99.1. A pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just by the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, even in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city. Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match is. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, that's all night. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city. pense jamais, jamais c'est facile danser. Mais on n'y pense jamais, pensez-y donc. C'est facile, je vous le dis, si on se dit qu'on peut le faire et qu'on le fait comme si c'était pas tout à fait essayé, non. Essayez pour voir et vous m'en direz des nouvelles, mais d'abord pour croire que la vie est belle comme on les rend. Chanter, c'est comme parler, mais c'est plus beau. Danser, c'est comme si on marchait un peu plus. Mais on n'y pense jamais, jamais c'est facile. Dans si mais on n'y pense jamais, pensez-y donc. CFNJ. On vient d'entendre Pierre Letourneau, un auteur-compositeur très prolifique qui a beaucoup écrit pour d'autres aussi, dont Nicole Martin principalement. C'était sa chanson « Tous les jours de la semaine » de 1973, son plus grand succès en tant qu'interprète. Mais Pierre Letourneau a aussi travaillé avec Stéphane Venn sur la chanson de René Claude « Les fleurs de papier ». Et du Stéphane Venn, on en a entendu juste avant avec la flamboyante « Le ril facile » qui est tout sauf facile. Un vrai tour de force pour Emmanuel en 1974. Emmanuel, une artiste qui va aussi nous donner « Et c'est pas fini » et l'excellente « Le monde à l'envers ». Toutes des chansons de Stéphane Venn, son collaborateur de toujours. Et c'est bien beau tout ça, mais pourquoi pas un petit détour un peu plus rock maintenant, du gros rock. En fait, on va écouter ce que plusieurs considèrent comme la première chanson rock du Québec. C'est Quand vous êtes prêts, PAG, en 1970 à CFNJ 99.1. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Little girl.

time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and I'm on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Come on, baby, now, show you a good time. Toujours à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ dans tout la Naudière. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Le Steve Miller Band en 1973 avec la chanson The Joker, c'est ce qu'on vient d'entendre. Une chanson qui fait référence aux paroles d'une chanson des Clovers, un groupe des années 50 qu'on a entendu tantôt. Et c'est aussi une chanson qui a la particularité d'être redevenue numéro 1 dans plusieurs pays plus de 16 ans plus tard, en 1990, grâce à une pub de Levi's. D'ailleurs, elle détient le record du plus grand laps de temps entre deux entrées transatlantiques au palmarès. Et il y aurait plein d'autres choses à dire, comme que Paul McCartney a coécrit quelques chansons avec Steve Miller sous le nom de plume de Paul Ramon, le pseudonyme qui a donné son nom au groupe de Ramones. Bref, on s'égare. Sinon, on a entendu Magic Carpet Ride du groupe canado-américain Steppenwolf, un grand classique de 1968 qui va jouer dans le film culte Easy Rider un an plus tard. C'est aussi Steppenwolf qui va nous donner un autre gros hit qui définit une époque, Born to be Wild, bien sûr. Et on retourne en musique avec un solide one-hit wonder, un gars qui a fait un seul gros succès, mais lequel a influencé John Lennon à composer son Whatever Gets You Through the Night et Abba avec nul autre que Dancing Queen. C'est un des rares 45 tours à avoir vendu plus de 11 millions de copies physiques et ce sera suivi du groupe Hughes Corporation la même année, 1974, George McRae et Rock Your Baby au 99.1 CFNJ.

Toujours à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Il y a un petit clin d'œil au rock progressif des années 70 qui s'en vient. Restez des nôtres, ça vaut la peine. On vient d'entendre Beau Dommage en 77 que vous aviez sûrement reconnu. Vous connaissiez peut-être pas la chanson, par contre, qui est pas une de leurs plus connues, mais qui est tout de même aussi belle, la chanson Cinéma, composé par Michel Rivard pour leur troisième album, le troisième album du groupe Un autre jour arrive en ville. On va peut-être découvrir d'autres chansons comme ça qu'on connaît moins de Beau Dommage de temps en temps à Méloman. C'était précédé du méga succès de 76 If You Leave Me Now du groupe Chicago. Je vous avais parlé du groupe Chicago récemment. Je vous avais dit qu'ils avaient commencé comme un ensemble beaucoup plus rock. Eh bien, voyez-vous, la période rock commence à prendre le bord tranquillement avec cette chanson-là. Encore plein de bonnes choses à offrir pour Chicago, mais disons que c'est un peu le début de la fin pour les fans de la première heure. Mais attention, je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que c'est très différent. Reste qu'on a tous instantanément fredonné la chanson dès les premières notes de l'intro, j'en suis certain. Et c'est sans compter qu'il y en avait peut-être parmi vous qui connaissaient la chanson, mais qui savaient pas que c'était une chanson de Chicago. Il y en a beaucoup comme ça, des chansons qui ont fait qu'on sait pas que c'est eux. Et sinon, juste avant, 1975, un autre que vous connaissiez tous, j'en suis sûr, Dance With Me du groupe Orleans. Je disais One Hit Wonder tantôt, mais c'est pas tout à fait vrai. Orleans a aussi connu un succès respectable avec la chanson Still The One un an plus tard, mais rien d'aussi instantanément reconnaissable que Dance With Me, encore une chanson qu'on reconnaît dès les premiers accords. Et si vous chantiez des paroles en français par-dessus, vous êtes pas fou. Il y a bien eu une version francophone, Angélie, des années plus tard, en 1994, par le duo de Mario Chagnon, alias Toyo, et John McGale, qu'on connaissait de la deuxième mouture du groupe Offenbach. Écoutez, ça n'arrête pas ce soir, on est en feu, un petit bloc coquin qu'on amorce avec le funk du groupe basé en Belgique, les Chaka Chas, en 72, sur les ondes de CFNJ. We'll be right back. CFNJ. Señor Meteo, cuando dije que fue bueno,

chez toi. Le pauvre homme s'écria, jamais. Monsieur Cannibal, je ne veux plus partir. Monsieur Cannibal, j'aime mieux mourir. Monsieur Cannibal, ding ding ding ding dong, je ne veux plus partir. Ding dong dong dong dong dong. Monsieur Cannibal, ding ding ding ding ding, je ne veux plus partir. Bon, bon, bon. Méloman sur les ondes du 99.1 CFNJ, avec vous partout dans la Nodière. Donc, on vient de faire une escale sympathique avec du Patrick Zabé et son tube Señor Meteo, une reprise du chanteur français Carlos de 1975. Et c'est pas banal pour moi, c'est mon hommage bien personnel, mesdames et messieurs, au premier animateur de CFNJ dont j'ai souvenance, j'ai nommé Bob Petit, qui a eu un gros succès ici avec l'émission Bon Week-end Lanaudière, et Señor Meteo en était le thème. Donc pour moi, c'est des souvenirs d'enfance à écouter son émission en voiture avec mes parents. Et j'imagine que plusieurs d'entre vous se rappellent de Bob Petit, qui a quand même animé ici de 90 à 96, et est même revenu en 98, donc mon petit hommage en passant. Première émission de vieux succès que j'ai jamais écoutée. Et sinon, juste après, c'était Herb Alpert et Tijuana Brass avec Spanish Flea, un air que tout le monde connaît, et Monsieur Cannibal de Sacha Distel, toutes deux de 1966. Encore le genre de truc que Monsieur Bob Petit pouvait faire jouer. Et maintenant, complètement autre chose, on va creuser encore plus creux et encore plus loin dans les années 70, tellement qu'on va faire jouer deux pièces de 1979 et pouf! On revient dans les débuts 70 pour commencer tranquillement le petit bloc progressif dont je vous ai parlé tantôt. Juste du bonbon, Ian Gum et Hold On au 99.1 CFNJ. I've been drifting on the sea of heartbreak, trying to get myself ashore for so long. For so long, listening to the strangest stories, wondering where it all went wrong. For so long, for so long. But hold on, hold on, hold on to what you got. So hold on. You got. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Green-eyed lady, lovely lady, strolling slowly towards the sun. Green-eyed lady, ocean lady, soothing every raging wave that comes. Green-eyed lady, passion's lady, CFNJ. Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been looking inside. Upset my mind, can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind. Sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9, Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On a entendu deux habitués du AM des années 70, Hold On, The Engum et Driver's Seat de Sniffin' the Tears en 79, et on a brusquement changé pour le FM avec Green Eyed Lady de Sugarloaf en 1970. Je vous expliquerai un peu qu'est-ce qui s'est passé du passage au FM dans les années 70 dans une autre émission. Et on a assisté à la naissance du rock progressif en écoutant un extrait de ce que plusieurs nomment le premier album du genre « In the Court of the Crimson King ». C'était la très rêveuse « I Talk to the Wind » du groupe King Crimson en 1969. On va même continuer un peu notre lancée prog avec un très bon groupe londonien, moins connu que les autres un peu, mais tout aussi bon, extrait d'un magnifique album concept instrumental de 1975. The Snow Goose, une pièce de flûte traversière qu'on vient d'entendre aussi, un instrument qui a connu son heure de gloire dans la musique progressive d'ailleurs. Et juste après, deux groupes phares du genre, mais tout d'abord Camel à CFNJ 99.1. I know my life and my life. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Retour à Méloman, à l'antenne du 99.1 CFNJ. Écoutez, c'est déjà tout le temps qu'on a ce soir. J'avais encore plein de belles musiques à vous faire jouer. Rapidement, on a entendu Genesis et Yes en 73 et 72, respectivement. Et la même heure, même poste la semaine prochaine, mercredi 21h, je vous attends. N'oubliez pas, il y a un spécial folk AM des années 70. Et je vous laisse avec une chanson qui provient du monde du country, l'excellente Tammy Wynette. Bonne nuit à vous. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have you'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. Cause after all, he's just a man. Stand by your man, give him two arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold and lonely. Love you can.